Dès qu'ils furent enfermés dans la calèche, Jeanne et son père, malgré l'obsession pesante qui leur restait de la brutalité de Julien, se remirent à rire en contrefaisant les gestes et les intonations des Briseville. Le baron imitait le mari, Jeanne faisait la femme. Mais la baronne, un peu froissée dans ses respects, leur dit « Vous avez tort de vous moquer ainsi. Ce sont des gens très comme il faut, appartenant à d'excellentes familles. » On se tut, pour ne point contrarier petite mère, mais de temps en temps, malgré tout, père et Jeanne recommençaient en se regardant. Ils saluaient avec cérémonie et d'un ton solennel. « Votre château des peuples doit être bien froid, madame, avec ce grand vent de mer qui le visite tout le jour. » Elle prenait un air pincé et, minaudant, avec un petit frétillement de la tête, pareil à celui d'un canard qui se baigne, « Oh, ici, monsieur, j'ai de quoi m'occuper toute l'année. Puis, nous possédons tant de parents à qui écrire. Et monsieur de Briseville se décharge de tout sur moi. Il s'occupe de recherches savantes avec l'abbé Pelle. Ils font ensemble l'histoire religieuse de la Normandie. » La baronne souriait à son tour, contrariée et bienveillante, et répétait « Ce n'est pas bien de se moquer ainsi des gens de notre classe. » Mais soudain, la voiture s'arrêta. Et Julien criait, appelant quelqu'un par derrière. Alors, Jeanne et le baron, s'étant penchés aux portières, aperçurent un être singulier qui semblait rouler vers eux. Les jambes embarrassées, dans la jupe flottante de sa livrée, aveuglé par sa coiffure qui chavirait sans cesse, agitant ses manches comme des ailes de moulin, pataugeant dans les larges flaques d'eau qu'il traversait éperdument, trébuchant contre toutes les pierres de la route, se trémoussant, bondissant et couvert de boue, Marius suivait la calèche de toute la vitesse de ses pieds. Dès qu'il l'eut rattrapé, Julien, se penchant, l'empoigna par le collet, l'amena près de lui et, lâchant les rênes, se mit à criber de coups de poing le chapeau qui s'enfonça jusqu'aux épaules du gamin en sonnant comme un tambour. Le gars hurlait là-dedans, essayait de fuir, de sauter du siège, tandis que son maître, le maintenant d'une main, frappait toujours avec l'autre. Jeanne, éperdue, balbutiait « Père, oh, père !» Et la baronne, soulevée d'indignation, serrait le bras de son mari. « Mais empêchez-le donc, Jacques !» Alors, brusquement, le baron abaissa la vitre de devant et, attrapant la manche de son gendre, lui jeta d'une voix frémissante « Avez-vous bientôt fini de frapper cet enfant ?» Julien, stupéfait, se retourna. « Vous ne voyez donc pas dans quel état le bougre a mis sa livrée ?» Mais le baron, la tête sortie entre les deux, « Eh, que m'importe, on n'est pas brutal à ce point !» Julien se fâchait de nouveau. « Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, cela ne vous regarde pas !» Et il levait encore la main. Mais son beau-père la saisit brusquement et l'abaissa avec tant de force qu'il la heurta contre le bois du siège et il cria si violemment « Si vous ne cessez pas, je descends et je saurai bien vous arrêter, moi !» Que le vicomte se calma soudain et, haussant les épaules sans répondre, il fouetta les bêtes qui partirent au grand trot. Les deux femmes, livides, ne remuaient point, et on entendait distinctement les coups pesants du cœur de la baronne.